Bonne nouvelle pour mon collaborateur, très très fier pour lui, mon collaborateur Jacques Doucet, qui a reçu hier un appel. Il sera admis au temple du renommé du baseball canadien. Ça va se faire certainement bientôt. Moi, la première affaire que j'ai eue quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ouais, mais ça faisait... il n'était pas admis. On va lui parler. Salut Jacques! » Salut Daddy! Félicitations d'abord! Ben merci beaucoup. Écoute, c'était pas quelque chose à quoi je m'attendais. OK. Lorsque les gens de St. Mary's m'ont appelé, je t'avoue bien sincèrement que moi, ça faisait une dizaine de jours que je le savais. Okay. Et puis, chaque fois que je parlais à des amis ou des connaissances, là, je me mords les lèvres, je me tourne la langue pour pas leur dire. OK, OK. Donc, t'avais été avisé que tu pourrais être élu au temple du Canada? Non, il m'avait dit que j'étais sur... Ah, OK, tu savais déjà. Ah oui, c'était confirmé. Okay. Sauf que l'élection comme telle n'avait pas été annoncé encore au grand public, c'était seulement mardi. Okay. Et on va être intronisé officiellement le 20 juin à St. Mary's. St. Mary's le 20 juin. Dis-moi, mais est-ce que ça marche un peu comme à Cooperstown? Un petit peu le principe, y a-tu des candidats? Oui, bien, Claude Raymond est un des membres du comité qui vote, là. Ouais. Et puis Claude m'a appelé hier aussi pour me féliciter. Et il me disait, moi j'avais lu quelque part qu'il y avait une cinquantaine de candidats en liste. Okay. Parce que tu sais, ceux qui n'ont pas été élus, ils reviennent d'année en année, là. Ouais. Mais il m'a dit, je pense qu'il y en avait 57. Et puis il y en a seulement 4 qui sont passés, dont moi. M'a dire une chose. Ça fait, disons, je me bombe le torse. avec raison. Mais avant que tu fasses la nuance, puisqu'il y a une nuance, puisque tu l'es au temps de la renommée du baseball canadien, en fait, tu l'étais bien avant hier, mais comment ça prend? Cooperstown, c'est 75%, tu sais-tu comment ça prend? Non, ça, dans okay. le cas de... En ce qui me concerne, moi, ouais. J'avais eu le Jack Graney Award, le prix Jack Graney en 2004, de la okay. part du temps de la renommée du baseball canadien. Mais ça ne fait pas de toi un membre du Temple de la Renommée. OK. Tu reçois un honneur que le Temple de la Renommée distribue. OK. C'est la même chose pour le Ford C. Frick okay. à Cooperstown. Si jamais, quand tu gagnes ce prix-là, tu peux pas dire que tu es membre du Temple de la Renommée à Cooperstown. Non. Okay. Comme je ne pouvais pas, moi, c'était ça qui me chicotait toujours un petit peu parce que Danny. Tu sais combien de conférences que je peux prononcer puis que je vais me faire des remises de trophées puis des levées de fonds. Donner mon apport à des levées de fonds pour le baseball amateur. Mais chaque fois, on me présentait comme étant membre du Temple de la renommée du baseball canadien puis je devais dire, non, je ne le suis pas vraiment. OK. T'sais? Oui. Mais là, je vais pouvoir le dire. En fait, tu étais un bâtisseur. Est-ce que Roger l'est, lui aussi? C'est Roger l'est? Roger, lui, il est... membre du Jack Graney Award. OK. Okay donc, il n'est pas membre du Centre de la OK, un peu comme toi que tu avais gagné en 2004. Du baseball québécois, ouais. Mais pas au niveau canadien. OK, un peu comme en 2004 à peu près. Que tu avais eu en 2004. C'est le même prix, en fait. Là. Oui, c'est ça, exactement. Et okay. aussi, moi, en ce qui me concerne, Danny, ce qui me rend le plus fier, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Oui. Ne sont pas des joueurs ou encore d'anciens dirigeants d'équipes de baseball qui sont admis dans ce temple-là. OK. Ben, ça, c'est... Alors, ouais. Moi, je pense que je suis le premier Canadien français à le faire. OK. Alors, ça, c'est un autre point qui me rend très, très, très, très fier. Il y a Tom Cheek et Dave Van Horn qui ont... Oui, mais c'est ça, mais c'est pas des Canadiens français. Oui, c'est ça, ouais, effectivement. Mais Jacques, aux Canadiens français, il y en a combien? Claude Raymond l'est sûrement. Oui, Claude Raymond, Ronald Piché, Richard Bellec. Non, tu sais, il y en a plusieurs, mais... il y a beaucoup de joueurs de l'organisation. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai reçu un message de félicitations de Steve Rogers. Tim Raines, j'ai vu passer ça aussi. Ah oui, Tim Raines est là. Ouais. Non, écoute, c'est des chez les expos, il doit y avoir une vingtaine de gars qui sont là, certainement, à commencer par Charles Bronfman, puis John McHale. Philippe, l'est-tu? Oui, non, oui, oui, oui. OK, OK, OK. Donc, ça va se faire le 20 juin. C'est-tu, le 20 juin. C'est à Sainte-Mary. C'est-tu gros? C'est-tu quelque chose? Non, c'est un tout petit village qui ressemble un peu à Cooperstown. Ouais. Qui est à une 20-25 minutes de London en Ontario et à une heure et quart de Toronto. OK. Mais le temple de la renommée du baseball canadien, c'est-tu... Parce que je sais qu'à Cooperstown, Frédéric Daigle est allé souvent, puis il m'en parle, il dit que c'est quelque chose à voir... Mais celui du Canada, est-ce que c'est quand même bien? On a apporté énormément d'améliorations au cours des dernières années. Moi, malheureusement, à cause de mon travail à TVA Sport, habituellement, lorsqu'on fait cette cérémonie-là, ben je travaille. Okay. Mais là, cette année, je travaille. Ben, j'espère que tu travailleras pas. Là. Mais la dernière fois que j'étais allé, c'est lorsque Sparky Anderson a été élu. OK. Alors, j'avais été assisté à... Sparky. À son discours, puis les autres membres qui étaient, mais Sparky, c'est un bon vieux copain, là. Ouais. Parce que je l'avais connu avec les Reds de Cincinnati, ben oui, mais... aussi avec les Tigers de Détroit, alors. Puis Sparky, écoute, c'est pas un Canadien, mais c'est un Canadien dans l'âme, parce que, tu sais, il a joué son baseball à Toronto, il a été gérant à Toronto avant de graduer avec les Reds de Cincinnati. Alors, tu sais, c'est un gars qui a le Canada tatoué sur le cœur. OK. Ben, Jacques, félicitations encore une fois. Bravo. Écoute, je pensais que honnêtement, c'est une belle nouvelle. Donc, puis il y a une grosse nuance à faire. Hey, Jacques, deux choses avant de te laisser. Transaction majeure hier entre les Red Sox de Boston et les Dodgers de Los Angeles. Il y avait des rumeurs avec les Dodgers, puis il y avait des rumeurs également avec San Diego. Moi, j'en prenais avec un grain de sel parce que je me disais, des rumeurs, c'est des rumeurs. Là. Mais sauf que c'est... Et je peux te dire que ce matin, quand on s'est parlé en dehors des ondes pour confirmer l'entrevue, tu dis, je vais aller voir le Boston Globe. J'ai pas vu le Boston Globe. J'ai vu un site Fan Insider. C'est fan des Red Sox, autrement dit. Là, c'est, et je peux te dire que on les traite quasiment de criminels actuellement. Ça doit crier. Ben écoute, c'est parce qu'on fait une analogie qui, tu vas me dire qu'elle est facile. Ouais. Mais cette année, c'est le 100e anniversaire de l'échange de Babe Ruth. Oh, OK. OK. Alors, tu sais, 100 ans après, on échange celui qui était le joueur le plus utile de son équipe il y a 2 ans. Alors, tu sais, ils n'ont pas obtenu grand-chose. Mais non. Ce qu'ils font présentement, là, c'est qu'ils allègent leur masse salariale. Mais on dit adieu à compétitionner pour le championnat de la division S de la Ligue américaine pour plusieurs années, là. Oui. Parce que, tu sais, on a obtenu un jeune voltigeur puis un jeune lanceur, là. Ouais. Mais sauf que, on sauve la moitié des 96 millions qu'on devait encore à Price, puis les 27 millions qu'on allait probablement verser à Bet cette année. Ouais. Alors, là, ils vont baisser. En bas du cap salarial là, c'est la taxe de luxe qu'il avait pu payer, je pense. Exactement. Ouais. Mais c'est lorsque un propriétaire dit, moi, l'an dernier, j'ai dépensé 240 millions. Puis on a fini troisième. Ouais. C'est pas très agréable. Alors, les raisons économiques ont probablement poussé les Red Sox à agir de la sorte. Mais ça fait pas le bonheur des partisans. Ça, je peux te le dire. Moi, j'ai lu plusieurs journaux de la région de Boston. Puis on les crucifie sur la place publique. Ben, c'est clair. Nous, on a connu ça beaucoup à Montréal avec Pedro puis Jean Paz. Mais les autres sont pas habitués. Puis surtout que c'est une ville de gagnants. T'as les Pats, t'as les Celtics, t'as les Blues. Il y avait un journaliste qui disait maintenant, il reste à souhaiter que Tom Brady suivra pas Betts à Los Angeles. Oui, effectivement. Mais tu penses que les autres équipes... parce que là, qui aurait dit ça que les Red Sox feraient ça? Tu penses que les Yankees, à un moment donné, ça pourrait toucher les Yankees à un moment donné aussi? Mais dans le cas des Yankees, ils met le paquet là parce que il y a été un temps après le décès de George Steinbrenner. Ouais. Les fils qui ont pris la succession là étaient pas mal plus proches de leur sou que le paternel là. Ouais. Dans le cas de George, lui, il dépensait mais écoute, il était très riche. Mais les fils, eux, ont dit attends une minute, on dilapidera pas l'héritage de notre père. On va essayer d'engranger quelques sous avant d'en dépenser. Et là, soudainement, après qu'ils eurent terminé deuxième il y a 2 ans derrière les Red Sox, Ouais. Même s'ils avaient gagné sans victoire. Ben, l'année passée, ils ont dit on va y mettre le paquet. Puis encore une fois, cette année, on met le paquet. On est allé chercher Derek Cole. Mm. Alors, cette année, finalement, ils ont décidé, contrairement aux Red Sox, d'ouvrir leur coffre-fort et de tout mettre en œuvre comme les Dodgers font présentement. Ouais. Parce qu'écoute, les Dodgers, cette année de suite, ils sont champions de la division Ouest, mais ils n'ont pas gagné la Série mondiale une seule fois. Puis là, ben, l'histoire, je parlais avec Marc l'autre fois, l'histoire des Astros de Houston, ça doit, ils sont en beau maudit, hein, parce que les vols des signaux... Hey, ils me font pas pleurer, là. Ouais. Penses-tu que les autres sont blancs comme ben neige? Non, c'est sûr que sont blancs. Ah bon, fait que, tu sais, qui se regardent dans le miroir avant de déblatérer, c'est facile de déblatérer contre les Red Sox et les Astros parce qu'ils ont été pris la main dans le sac. Ouais, ouais, parce que t'as pas vu grand commentaire par après, hein, en passant, hein? Ah non, ben là, il y a quelques joueurs qui ont dit on s'est fait voler, puis on devrait leur enlever les championnats, puis blablabla, voyons donc. Tu sais, moi, je suis entièrement d'accord avec la décision que le commissaire a prise. Ouais. Je pense que c'est exactement l'esprit dans lequel le baseball majeur avait nommé Kenesaw Landis Mountain le premier commissaire. C'était pour régler le problème des Black Sox de Chicago. Ouais. Et lui, il a suivi vraiment dans cette lignée-là, puis il a frappé fort. Parce que, évidemment, contrairement à Landis, lui n'a pas puni les joueurs. Landis, lui, a condamné les 7 joueurs des Black Sox, même s'ils n'ont jamais été reconnus coupables. Ouais. Il les a bannis à vie pareil. Mais dans le cas du commissaire du baseball actuel, lui, il a dit non. C'est les dirigeants qui sont les coupables. Puis, tu sais, hey, chez les Mets de New York, là, on a changé de gérant 2 fois en 3 mois. Ouais. Les Red Sox, imagine-toi, le camion de l'équipement des joueurs vient de partir pour la Floride, là, puis ils n'ont même pas de gérant. C'est vrai, pareil, il n'est pas nommé encore, le gérant des... Non, monsieur. Et puis, du côté des Astros, ben, on a choisi Dusty Baker, un vieux de la vieille, là, qui va essayer de redresser la barque, mais ils ont encore énormément de talent, puis... Oui, Jacques, ce que je veux dire, je suis pas sûr, mais que tous les aspects électroniques puis tout ça, Dusty Baker est au courant de tout ça, là, pour je suis pas sûr, moi, en tout cas. Il va nettoyer le vestiaire. Ouais, effectivement. Hey, Jacques, triste nouvelle qu'on a appris ce matin. Jacques Ménard, moi, c'est un gars que je respectais beaucoup, Jacques Ménard. On dirait que, tu sais, il y a des gens, quelqu'un qu'on entend leur voix, il attire juste le respect par leur voix. Ben, il est décédé. Je savais pas qu'il était malade. On dit d'une longue maladie. Une longue maladie, décédé au CHUM. Moi non plus, je savais pas qu'il était malade, mais moi aussi, j'avais énormément de respect pour M. Ménard. Ouais. D'ailleurs, j'avais grandement apprécié, alors que Marc Robitaille et moi, nous étions à rédiger le deuxième volume de l'histoire des Expos, qu'il nous accorde une entrevue exclusive, parce que M. Ménard s'était tenu loin des médias après le départ des Expos. Il voulait pas donner d'entrevue. Mais moi, j'avais eu le privilège d'en obtenir une en exclusivité. Puis j'ai toujours eu énormément de respect pour lui. Et d'ailleurs, c'est lui, en compagnie de Mark Rutenberg, qui s'était rendu d'urgence en Floride pour convaincre Philippe de ne pas aller à Los Angeles. Et c'est pour ça que Philippe est resté à la barre des Expos de Montréal. Bon, il avait travaillé très fort pour garder les Expos, lui. Ben oui, écoute... C'est lui qui avait un petit peu négocié avec les banques puis les partenaires lorsque Bronfman a vendu à Claude Brochu et son groupe. Mais le groupe avait été formé par Jacques Ménard. Ouais. Écoute, c'est un banquier. Hein, il a été président de la Banque de Montréal pendant des années. D'ailleurs, quand Marc Robitaille et moi, on l'avait rencontré, c'était à ses bureaux de la Banque de Montréal. Jacques, merci beaucoup. Félicitations encore pour ton titre, ta nomination au Temple de la renommée du baseball canadien, puis on se reparle bientôt. Merci beaucoup, mon ami. Notre collaborateur, Jacques.